Chapitre 12e. Quand les Grecs rencontrent les Grecs, la guerre est déclarée. Le docteur, notre docteur, n'avait plus pensé au message qui avait été envoyé à l'autre docteur, le docteur Philgrave. Sir Roger lui-même l'avait oublié. Lady Scatcherd y avait bien pensé, mais, pendant tout le reste du jour, son mari avait été d'une humeur qui ne lui avait pas permis de lui rappeler qu'il devait avoir bientôt un autre médecin sur les bras. Elle se décida donc à laisser aller les choses et attendit avec anxiété l'arrivée du docteur Philgrave. Heureusement que Sir Roger n'était pas à l'article de la mort, car lorsque le message arriva à Barchester, le docteur Philgrave était à 6 milles de cette ville, à Plumted, et comme il ne revint que dans la soirée, force lui fut de remettre sa visite au lendemain matin. Il est même probable qu'il l'eût ajourné indéfiniment s'il se fût douté de certaines allusions à la pompe. Quoi qu'il en soit, le docteur Philgrave n'était pas fâché que Sir Roger l'eût fait appeler. Tout le monde à Barchester savait que Sir Roger et le docteur Thorne étaient d'anciens amis. Le docteur Philgrave savait aussi que dans toutes ses indispositions, le baronnet s'était toujours contenté des soins du docteur Thorne. Sir Roger était un grand personnage dans son genre, un homme dont on parlait beaucoup à Barchester, et l'on y savait déjà que le fameux entrepreneur de chemin de fer était malade. Aussi, lorsque le docteur Philgrave reçut l'invitation de se rendre à Boxall Hill, dut-il croire que la lumière s'était enfin fait jour dans l'esprit de Sir Roger et lui avait montré où il fallait chercher la vraie science médicale. En outre, Sir Roger était l'homme le plus riche du comté, et pour les praticiens de campagne, un pari malade est une véritable aubaine. Mais c'est une aubaine bien autrement importante quand ce malade est enlevé à un rival. Ce ne fut donc pas avec un médiocre sentiment de triomphe que le docteur Philgrave, après avoir déjeuné à la hâte, monta dans la chaise de poste qui devait le conduire à Boxall Hill. Sa profession et sa fortune l'autorisant à s'accorder une voiture, il faisait ordinairement ses visites en coupé. Mais comme il s'agissait ici d'une occasion toute spéciale, exigeant une célérité spéciale et promettant une rémunération spéciale, il avait voulu s'accorder le luxe de 2 chevaux de poste. Il était à peine 9 heures quand le postillon sonna bruyamment à la porte de Sir Roger, et pour la première fois de sa vie, le docteur Philgrave se trouva dans le grand vestibule de Boxall Hill. « Je vais avertir Milady, » dit le domestique en le faisant entrer dans la grande salle à manger, où pendant près de 20 minutes il se promena de long en large sur le tapis de Turquie. Le docteur Philgrave n'était pas d'une haute taille. Il avait peut-être un peu plus d'embonpoint que ne le comportait cette taille médiocre, sans parler d'une certaine rotondité abdominale que des talons d'un pouce et demi d'épaisseur ne lui permettaient pas de porter aussi bien qu'il l'eût désiré. Il paraissait s'en rendre parfaitement compte lui-même, et cela lui donnait un air un peu guindé. Mais il n'ignorait pas que ces petites imperfections étaient plus que rachetées par la dignité de sa physionomie. Ses jambes étaient courtes, sa figure ne l'était pas. Si le développement de sa taille était mal équilibré, tout était parfaitement symétrique à partir de sa cravate. Ses cheveux étaient gris, point blanc mais très gris, et se hérissaient au-dessus de ses tempes. Ses favoris, qui étaient d'une forme admirable, et qui se dessinaient gracieusement sur ses angles maxillaires, étaient gris aussi, mais un peu plus foncés que ses cheveux. Ses ennemis de Barchester disaient que cette nuance était obtenue au moyen d'un peigne de plomb. Ses yeux n'étaient pas brillants, mais il savait leur donner de l'expression. Comme il était myope, il avait toujours un lorgnon à la main ou sur le nez. Ce nez du docteur Philgrave était long et bien fait, son menton suffisamment proéminent, mais le trait remarquable de son visage, c'était sa bouche. L'étendue des connaissances médicales que pouvait révéler la pression de ses lèvres était vraiment étonnante. Cette bouche pouvait aussi bien exprimer tour à tour la courtoisie la plus exquise ou la sévérité la plus dure, jusqu'aux moindres nuances intermédiaires entre ces 2 sentiments. Lorsqu'il se vit introduit dans la salle à manger de Sir Roger, il la parcourut d'un pas délibéré, les mains derrière le dos, calculant le prix des meubles et le nombre de convives que pouvait contenir une aussi belle pièce. Au bout de 7 ou 8 minutes, l'impatience commença à le gagner. Pourquoi ne pas l'introduire tout de suite dans la chambre de Sir Roger? Quelle nécessité y avait-il de le faire attendre là, comme s'il eût été un simple apothicaire avec une boîte de sangsues dans sa poche. Il sonna peut-être un peu trop fort. « Sir Roger sait-il que je suis ici ? » demanda-t-il au domestique. « Je vais avertir, Milady, » répondit celui-ci en se retirant. L'esculape de Barchester recommença sa promenade, mais cette fois-ci il ne calcula plus la valeur que les meubles pouvaient avoir, mais bien sa valeur personnelle. Il n'était pas accoutumé à ce qu'on le fît attendre de la sorte, et quoique Sir Roger fût maintenant un homme riche et très important, il n'en avait pas toujours été ainsi. Le docteur Filgrave commençait à se souvenir de l'ancien tailleur de pierre, et il ne s'en sit que plus irrité de se voir ainsi traité par un pareil homme. Quand on est impatient, 5 minutes paraissent un siècle, et un quart d'heure une éternité. Au bout de 20 minutes, le pas du docteur Filgrave était devenu plus accéléré. Il venait de prendre la résolution de ne pas attendre là toute la journée, au sérieux préjudice peut-être de ses autres malades, et il se disposait à sonner vigoureusement lorsque la porte s'ouvrit sans bruit et Lady Scatcherd s'introduisit doucement, comme si elle eût craint d'entrer dans sa propre salle à manger. Il nous faut rétrograder un peu pour savoir ce qu'elle avait fait pendant les 20 minutes qui s'étaient écoulées depuis l'arrivée du docteur Filgrave. « Oh, Seigneur !» s'était écrit Lady Scatcherd en apprenant que le personnage était dans la salle à manger. Elle était alors avec sa femme de charge dans une petite pièce où elle serrait le linge et les confitures. Petite pièce où, avec cette même femme de charge, elle passait les plus heureux moments de sa vie. « Oh Seigneur, Anna, qu'allons-nous faire ? » « Faites-le monter auprès du maître, Milady, que John le fasse monter. Mais cela occasionnera un vacarme affreux dans la maison, Anna, j'en suis sûr. Mais le maître ne l'a-t-il pas mandé ? Qu'il en subisse les conséquences ? C'est ce que je ferai, Milady. » ajouta Anna, voyant sa maîtresse debout, toute tremblante d'indécision et se mordant les ongles. « Vous ne voudriez pas y aller vous-même, Anna ? » demanda Lady Scatcherd de son ton le plus persuasif. « Non, » dit Anna après un instant de réflexion, « je ne le puis vraiment pas. Alors il faut bien que je m'y décide. » Et Lady Scatcherd monta pour dire à son mari que le médecin qu'il avait envoyé chercher attendait ses ordres. Sir Roger ne s'emporta pas, mais il déclara péremptoirement que rien au monde ne le forcerait à voir le docteur Filgrave et à faire une aussi grande injure à son vieil ami le docteur Thorne. « Mais Roger, » dit sa femme en pleurant à moitié, « que vais-je faire de ce docteur ? Comment m'en débarrasser ? Mettez-le sous la pompe !» dit Sir Roger en riant de ce rire guttural qui indiquait trop bien les ravages que l'eau-de-vie avait fait dans son gosier. « C'est de la folie, Roger !» « Vous savez bien que je ne puis pas le faire mettre sous la pompe. Et puisque vous êtes malade, voyez-le 5 minutes seulement, j'arrangerai cela avec le docteur Thorne. Je veux être pendu si je le vois, Milady. » Tout le monde, à Boxall Hill et aux environs, appelait la pauvre Lady Scatcherd Milady, comme s'il y avait eu quelque chose de drôle pour elle dans ce titre. Et à vrai dire, c'était un peu drôle. « Vous n'êtes pas obligé de faire ce qu'il vous dira, ni de prendre ce qu'il vous enverra, » continua-t-elle. « Je lui dirai de ne plus revenir. Recevez-le, je vous en prie, Roger. » Mais Roger était un homme entêté, volontaire, un tyran domestique, quoiqu'il ne fût jamais cruel. Il était accoutumé à mener sa femme et sa maison avec autant de despotisme que ses ouvriers, et la câlinerie féminine a rarement prise sur les hommes de cette trempe-là. « Descendez. Dites-lui que je n'ai pas besoin de lui. » Que je ne veux pas le voir. En voilà assez. S'il voulait gagner le prix de sa visite, pourquoi n'est-il pas venu hier quand je l'ai fait demander ? Je me porte bien maintenant. Je n'ai plus besoin de lui. Et qui plus est, je ne veux pas le voir. Winterbones, fermez la porte à clé. » Winterbones se leva pour exécuter l'ordre de son maître, et Lady Scatcherd n'eut que le temps de sortir. Elle descendit lentement et alla redemander conseil à Anna. Elles convinrent ensemble que le meilleur moyen d'apaiser le docteur Filgrave, c'était de le bien payer. Lady Scatcherd prit donc un billet de banque de 5 livres sterling et se dirigea en tremblant de tous ses membres vers la salle à manger. Le docteur Filgrave laissa retomber le cordon de la sonnette quand il vit la porte s'ouvrir et fit un profond salut. Ceux qu'il connaissait auraient pu voir que ce salut voulait dire Lady Scatcherd, je suis votre très humble et très obéissant serviteur, et il paraît que vous désirez me traiter comme tel. » Lady Scatcherd ne comprit pas tout cela, mais du premier coup d'œil, elle vit que le docteur Filgrave n'était pas content. « J'espère que Sir Roger n'est pas plus mal, » dit-il. « Monterai-je auprès de lui ? Il commence à se faire tard. Voyez-vous, docteur Filgrave, Sir Roger se trouve beaucoup mieux ce matin, beaucoup mieux. J'en suis charmé, mais comme la matinée avance, je ferai bien de monter tout de suite auprès de lui. Mais, docteur Filgrave, voyez-vous, il se porte beaucoup mieux ce matin. Il croit même que ce serait honteux de vous déranger. » Honteux de me déranger ? C'était une espèce de honte que le docteur Filgrave ne pouvait nullement comprendre. Honteux de me déranger ? Comment, Lady Scatcherd ? Celle-ci vit bien que ce qu'elle avait de mieux à faire, c'était de lui exposer la chose tout simplement. En outre, comme elle était moins frappée de la dignité de ses manières que de la petitesse de sa personne, elle commença à avoir moins peur de lui. « Oui, docteur Filgrave, voyez-vous, quand un homme comme Sir Roger se sent mieux, il ne peut souffrir l'idée d'un médecin. Hier, il fallait à toute force vous envoyer chercher. Aujourd'hui, qu'il est à peu près rétabli, il ne veut plus entendre parler de médecin. » À ces mots, le docteur Filgrave sembla sortir de ses bottes tant il se redressa vivement. Ses cheveux se hérissèrent et ses yeux lancèrent à Lady Scatcherd un regard d'indignation. « Voilà qui est bien singulier, Lady Scatcherd, bien singulier en vérité, tout à fait inusité. Je suis venu tout exprès de Barchester, au grand détriment de mes autres malades. Je me suis dérangé, considérablement dérangé, et vraiment, je ne crois pas que jamais rien de la sorte me soit arrivé. » Il se dirigea vers la porte en se pinçant les lèvres d'une manière si significative que la pauvre femme en perdit tout à fait contenance. Tout à coup, elle pensa à sa grande panacée. « Ce n'est pas à cause de l'argent, vous savez, docteur. Sir Roger n'a pas l'intention de vous avoir fait venir avec des chevaux de poste pour ne pas vous payer. » En cela, elle s'écartait un peu de la vérité, car Sir Roger n'aurait jamais consenti à entendre parler de paiement, et c'était de sa propre bourse que Lady Scatcherd avait tiré le billet de banque qu'elle tenait à la main. « Ce n'est pas pour l'argent, docteur. » Et elle lui tendit le billet de 5 livres, croyant que toutes les difficultés allaient être aplanies. Le docteur Filgrave aimait beaucoup les billets de banque. Quel médecin ne les aime pas ? Mais il préférait encore sa dignité à une visite payée 5 livres sterling. D'ailleurs, il était irrité, et comme tous les hommes en colère, il se complaisait dans son ressentiment. Il trouvait qu'on le traitait fort mal, mais il sentait que s'il acceptait le billet de banque, il n'aurait plus le droit de se plaindre. « Non, madame, » dit-il. Et de sa main droite, qui tenait son lorgnon, il fit un geste majestueux pour repousser le billet tentateur. « Non, madame. J'aurais été charmé de faire profiter Sir Roger du peu de science médicale que je possède, puisque j'étais appelé. Mais, docteur, puisqu'il se porte bien ?»« Oh, certainement. S'il est guéri et qu'il refuse de me voir, je n'ai plus rien à dire. Si par hasard il venait à avoir une rechute, il aurait la bonté d'envoyer chercher un autre médecin. Mon temps est trop précieux pour le perdre. » « Madame, je vous souhaite le bonjour. « Je vais, si vous le permettez, sonner pour ma voiture, c'est-à-dire pour la chaise de poste. »« Mais, docteur, vous prendrez cet argent, il le faut, et je le veux, » dit Lady Scatcherd, qui se sentait vraiment malheureuse de la fantaisie que son mari avait eue de faire venir le docteur Filgrave, et qui ne pouvait se décider à ne pas l'indemniser de ses frais. « Non, madame, non, je ne le puis, en vérité. Sir Roger, je n'en doute pas, agira autrement une autre fois. Ce n'est point une question d'argent. » « Au contraire, c'en est une, il faut absolument que vous preniez ce billet. » Et la pauvre Lady Scatcherd, dans son désir de s'acquitter envers le docteur Filgrave, au moins quant à l'argent, s'approcha de lui pour le forcer à accepter le billet de banque. « C'est tout à fait impossible, » dit le docteur, dont le cœur saignait encore à la pensée de l'injure dont il était l'objet. « Je n'en ferai rien, madame. Je vous en prie, docteur, pour m'obliger. » C'est tout à fait en dehors de la question. » Et mettant ses mains et son chapeau derrière son dos en signe de refus positif, il se dirigea à reculons vers la porte, suivi de Lady Scatcherd, qui continuait à le serrer de près. Elle avait mis tant d'insistance dans ses sollicitations qu'il avait oublié d'attendre que le domestique répondît à son coup de sonnette et qu'il était déjà arrivé près du vestibule. « Voyons, docteur, je vous en prie. »« Impossible !» dit le docteur d'un ton ferme et en reculant toujours vers le vestibule. Arrivé à la porte, force lui fut naturellement de se retourner, et il se trouva presque dans les bras du docteur Thorne. De même que Burley dut regarder Bothwell lorsqu'ils se précipitèrent l'un sur l'autre dans leur terrible rencontre sur le versant de la montagne, de même qu'Achille regarda Hector lorsqu'ils se rencontrèrent pour la dernière fois, décidés chacun à mettre à l'épreuve, dans ce conflit fatal, le courage de l'autre. De même, le docteur Filgrave regarda son ennemi de Greshamsbury lorsqu'en tournant sur ses talons, il se trouva le nez au milieu du premier bouton du gilet du docteur Thorne. Qu'il nous soit permis de nous arrêter un instant pour récapituler tous les griefs du praticien de Barchester. Il n'avait fait aucune tentative pour pénétrer dans la bergerie de cet autre chien de berger. Malgré sa haine pour le docteur Thorne, malgré sa conviction de l'ignorance et de l'incapacité de cet homme, il n'avait rien fait pour lui nuire auprès de Scatcherd. Le docteur Thorne aurait pu envoyer tous les habitants de Boxall Hill dans l'autre monde sans que lui, le docteur Filgrave, y trouvât à redire, à moins toutefois d'être dûment appelé à donner son avis. Mais il avait été appelé à donner son avis, et il était impossible qu'une pareille mesure eût été prise sans discussion préalable entre Thorne et les Scatcherd. Nul doute que le docteur Thorne ne fût au courant de ce qui devait se passer. Ayant été appelé, le docteur Filgrave était venu à Boxall Hill. Il y était venu en chaise de poste, et on lui avait refusé l'entrée de la chambre du malade sous prétexte qu'il était guéri. Enfin, au moment de se retirer, blessé au vif et sans avoir été payé, car l'offense était la même, que le refus vint de lui ou non, il se trouvait face à face avec cet autre docteur qu'il avait été appelé à supplanter et il le rencontrait se dirigeant vers la chambre du malade. Le fanatique Burley, l'insolent Achille, protégé par les dieux, eurent-ils jamais d'aussi juste cause de courroux? Si j'avais la plume de Molière, je dépeindrais convenablement la colère de notre Esculape, mais toute autre plume n'y réussirait pas. Il gonfla littéralement de rage, et cela, joint aux proportions naturelles de sa personne, le fit paraître presque gigantesque aux yeux des domestiques de Sir Roger. Le docteur Thorne recula de 3 pas et ôta son chapeau, ce qu'il avait oublié de faire dans son trajet de la porte du vestibule à la salle à manger. Rappelons-nous qu'il ne savait nullement que Sir Roger eût refusé de voir le médecin qu'il avait fait demander, et qu'il ignorait également que ce médecin retournât à Barchester sans avoir été payé. Le docteur Thorne et le docteur Filgrave étaient bien connus comme ennemis jurés. Tout le monde à Barchester et toutes les personnes de Londres qui lisaient les journaux de médecine le savaient parfaitement. Ils écrivaient en déblatérant constamment l'un contre l'autre. Mais jamais jusqu'ici ils ne s'étaient trouvés personnellement en contact. Il était rare qu'ils se rencontrassent autrement que dans la rue, et alors ils se saluaient très froidement. Dans cette circonstance, le docteur Thorne comprit que le docteur Filgrave avait le dessus, mais il comprit aussi qu'il importait à sa dignité qu'il ne témoignât aucun dépit d'avoir été supplanté comme médecin dans les bonnes grâces du riche baronnet. Il résolut donc d'être, avec son rival, plus poli, plus cordial qu'à l'ordinaire. Il sourit donc en ôtant son chapeau et dit qu'il espérait que le docteur Filgrave n'avait pas trouvé Sir Roger plus malade. C'en était décidément trop pour le pauvre Filgrave. On l'avait donc fait venir pour être en butte à toutes les insultes et pour servir de risée à ses ennemis. Sa noble colère le fit gonfler au point qu'il n'aurait crevé sans la ouate protectrice de son habit. « Monsieur, » dit-il, « monsieur !» Il pouvait à peine ouvrir les lèvres, tant la colère le suffoquait, et peut-être avait-il raison, car ses lèvres pincées étaient plus éloquentes que n'eussent pu l'être ses paroles. « Qu'y a-t-il donc ?» demanda le docteur Thorne, en ouvrant de grands yeux et en regardant Lady Scatcherd par-dessus la tête du petit homme irrité. « Pour l'amour du ciel, qu'y a-t-il donc ? Sir Roger a-t-il plus mal ?»« Mon Dieu, non !» dit Lady Scatcherd. « Et bien sûr que ce n'est pas ma faute. Voilà le docteur Philgrave qui est furieux, et cependant, je ne demande pas mieux que de le payer. Que peut-il désirer de plus ? Il éleva le billet de banque au-dessus de la tête du docteur Philgrave. Que pourrions-nous en effet désirer de plus, Lady Scatcherd, si avec cela nous savions vaincre notre colère et maîtriser nos ressentiments ? Mais cela était impossible, docteur Philgrave. Il désirait quelque chose de plus, quoiqu'il ne sût pas au juste ce que c'était. Lady Scatcherd se sentait plus forte en présence de son ancien ami et allié. De plus, elle commençait à trouver que le petit homme était très déraisonnable de refuser l'argent qui lui était offert. « Madame, dit-il en se tournant vers elle, je n'ai jamais été traité de la sorte dans aucune maison du Barsetshire. Jamais, jamais. » « Au nom du ciel, docteur Philgrave, qu'y a-t-il donc ? » demanda le médecin de Greshamsbury. « Je vous ferai savoir ce qu'il y a, monsieur, » s'écria Philgrave en se tournant vers lui avec vivacité. « Je vous le ferai savoir. Je le publierai dans tous les journaux de médecine. » Et en disant ces mots, il se dressa sur la pointe des pieds et brandit son lorgnon sous le nez de son ennemi. « Ne soyez pas fâché contre le docteur Thorne, » dit Lady Scatcherd. « Ce n'est pas à lui que vous devez vous en prendre. Si quelqu'un vous a fâché... »« Mais je veux être fâché contre lui, madame, » interrompit le docteur Philgrave en faisant soudain une autre demi-pirouette. « Je veux être fâché contre lui, ou pour mieux dire, je le méprise. » Et complétant sa pirouette, il se retrouva en face de son ennemi. Le docteur Thorne regarda Lady Scatcherd comme pour lui demander l'explication de tout ce bruit, mais avec une expression tant soit peu sardonique qui n'était pas faite pour calmer le docteur Thorne. « Je publierai toute cette affaire dans les journaux, docteur Thorne. Et si cela n'a pas pour effet de vous enlever la clientèle de Greshamsbury, alors je ne sais pas ce qui pourrait y réussir. » « Ma voiture, c'est-à-dire la chaise de poste, est-elle prête ?» Et le docteur Philgrave se tourna majestueusement vers un domestique. « Que vous ai-je donc fait, docteur Philgrave ?» dit le docteur Thorne en riant, « pour que vous lui m'ôtez le pain de la bouche. Je ne me mêle pas de votre malade. Je ne suis venu ici que pour des affaires d'argent concernant Sir Roger. »« Des affaires d'argent ? Très bien, très bien. » Voilà tout ce que vous avez en fait de médecine. Très bien, très bien. Ma chaise de poste est-elle à la porte ? Je publierai tout cela dans les journaux. Je le publierai mot à mot. Vous publierez quoi, homme déraisonnable ? Homme ? Monsieur, qu'appelez-vous un homme ? Je vous ferai savoir si je suis un homme. Ma chaise de poste. Voyons, docteur Thorne, ne lui dites pas d'injures, je vous en prie, dit Lady Scatcherd. Pendant ce temps, ils étaient arrivés près de la porte du vestibule. Mais les domestiques de Sir Roger se complaisaient trop dans le spectacle de cette querelle pour obéir aux ordres du docteur Philgrave, de sorte qu'aucun d'eux n'était allé chercher la chaise de poste. « Homme, répéta le docteur, je vous apprendrai, monsieur, à me parler de la sorte. Je crois, monsieur, que vous ne savez pas qui je suis. Tout ce que je sais, c'est que pour le moment, vous êtes le médecin de mon ami Sir Roger, et je ne puis concevoir ce qui a pu vous irriter à ce point. » En disant ces mots, le docteur Thorne regarda attentivement le docteur Philgrave pour voir s'il avait été exposé au jet de la pompe, mais il ne vit sur lui aucune trace d'eau. « Ma chaise de poste est-elle là ? Tout le monde médical saura ce qui s'est passé, vous pouvez en être sûr. » Et tout en continuant à demander sa chaise de poste et à menacer le docteur Thorne du monde médical, il arriva à la porte. Mais au moment de mettre son chapeau, il revint sur ses pas. « Non, madame, dit-il, ce n'est pas ainsi que cette affaire s'arrangera. Je la publierai dans les journaux. Ma chaise de poste !» Et s'armant de toute sa force musculaire, il jeta aussi loin qu'il put un petit morceau de papier qui vint tomber au pied du docteur Thorne. Celui-ci le ramassa et vit que c'était le billet de banque. « Je l'avais glissé dans son chapeau, au milieu de tout ce vacarme, » dit Lady Scatcherd. J'espérais qu'il ne s'en apercevrait pas avant d'arriver à Barchester. J'aurais bien voulu qu'il fût payé, quoique Sir Roger ait refusé de le voir. » Ces derniers mots expliquèrent enfin au docteur Thorne la cause du ressentiment du docteur Philgrave. « Je voudrais bien savoir si Sir Roger voudra me recevoir, moi, » dit-il en riant.